pour le truc. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Ou bien tu prends place. Je n'ai même pas fermé mes téléphones là, il fallait que j'aille. Non, non, il n'y a pas. Si ça sonne, ne te concentre pas là-dessus. Oui, pour qu'on ne quitte pas ceci. D'accord. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc tu as vu que c'est l'année de la traversée pour que tout bascule. Voilà, que tout bascule. Parce oui. que moi, c'est ça, c'est le désir de mon cœur. Mm-hmm. C'est-à-dire que être conforme mm-hmm. à la parole de Dieu. Parce que j'ai vécu quand même un moment extraordinaire quand j'étais en 2004. Mm-hmm. Extraordinaire. C'est-à-dire, je priais beaucoup. Je lisais beaucoup la Bible. Et le chemin était ouvert. Mmh. Ouvert. Je pouvais rester comme ça, je disais la vie de me voir. Mmh. La personne vient. Mais quand, avant de faire quelque chose, il s'est avec les yeux. Mmh. Et subitement, brusquement, bam, ça a disparu. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il va causer avec toi en privé. D'accord. Pour que ces choses-ci reviennent et qu'on regarde ce qui a causé la chute. Et avant, tu sais ce qui a causé la chute. On va briser cela, d'accord. Non, mais revenons sur le cas de basculement là. Oui. Uh-huh. Donc je vais à l'église. J'arrive d'abord. Déjà, quand c'est toujours à Yaoundé. Oui, à Yaoundé là, c'est fort. Hein? C'est toujours à Yaoundé. Mm. C'était ensemble là-bas. Il y a un hôtel derrière cet hôtel, il y a une église. Mm-hmm. Il y a un peu comme ce soir. Je suis parti là-bas. Parce qu'ils avaient indiqué sur le placard là. Mm-hmm. Oui, je suis arrivé là-bas. Je vois. Et il y a aussi. Ça, que j'avais lu et j'ai retenu dans la vie. Oui. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on fait déjà une place d'honneur, les gens. Ah, dans Jean, je peux te dire. Oui. En fait, je ne me rappelle pas, mais c'est que c'est dans la vie comme ça. On dit qu'on ne doit pas faire, que Dieu ne fait pas. Distinction. Voilà. Que quand, que, supposons que quelqu'un en abonne l'assemblée, on dit qu'à celui qui achète la place d'honneur et l'autre, moi je peux. Voilà. Donc, quand j'arrive, quand je vois déjà ça, il y a une belle place là avec les grands fauteuils bien rembourrés, lui, placés derrière d'autres fauteuils, peut-être pas. En diminuant un peu comme on fait quand le président de la République est là et situé. Voilà, voilà. Et que de l'autre côté, il y avait plutôt. Les bancs et les chaises blanches. J'étais bien distingué là. Mm-hmm. Mais ok, ça, je passe dessus, je ne m'attarde pas trop. Mm-hmm. Que tu veux vraiment, tu renverses ça, tu traverses. Oui, c'est ce qui va sortir là qui est important. Mm-hmm. Si je réussis vraiment à traverser la basculer. Bon. À changer radicalement. Donc, dans ta pensée, ok, tu as dit, même si Jacques Pédé 2 dit que Dieu n'aime pas l'ascension des personnes, si on ne fait ascension des personnes, si Dieu a même fait basculer, c'est quand même bon. Oui. Que peut-être c'est un problème, parce qu'on m'a dit, il n'y a pas d'église parfaite. Uh-huh. Donc, en avançant, là, il y a des choses. Ça, c'est aussi ce que M. Cyril passait beaucoup de temps à me dire. Parce qu'il me dit, non. Il faut passer au-dessus des petites choses. Ne regarde pas trop l'aspect du regard au cœur. Mm-hmm. Mais il faut regarder beaucoup plus le cœur. Mm-hmm. Et quand quelqu'un te parle, il faut beaucoup plus écouter si ce qu'il dit est vrai. Mm-hmm. Le reste, là, vraiment, ne t'attarde pas dessus parce qu'il y a toujours ces petits manquements. Oui. Non, il m'encourageait toujours dans ce sens-là. Donc, j'arrive, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je pars m'asseoir. Première chose, passer d'abord venu après. Je vois les gens vont vers lui. En fait, on accueille bien là, on le dirige un peu, je sais pas, comme un cortège, voilà. Un protocole d'accompagnement. Il entre maintenant, il va y s'asseoir. Et pendant, j'ai remarqué que ce qui m'énervait toujours dans les églises, c'est-à-dire que c'est comme il y a une préparation là, qui ne peut pas te concentrer. C'est-à-dire, on chauffe d'abord la salle avec les louanges, les musiques, tout ce avec la batterie. Tu es obligé de danser, voilà, chanter. Avec la batterie surtout. Entre-temps, comment le pasteur est, il est assis? Non, il est arrivé, il est parti maintenant, il s'assoit, il s'est d'abord. Ok, on a fait cette chose-là d'abord avant qu'il arrive. Oui, donc on chauffait la salle là, on chauffait. Avec les musiques, Et partout où tu es passé, ça semble être la règle. Oui. Mm-hmm. Oui. Quand on dit louange, là, vraiment, ça cogne dans la tête. Hein. Ça cogne. Oui. Donc, après ça, il est arrivé, il est parti, il s'est mis à genoux, il a prié, il s'est rassis. Et je me suis donc rendu compte que les deux grands fauteuil qu'on avait placé, c'était son fauteuil et celui de son épouse. Oui. Donc ils sont venus au même moment. Oui. Okay. Ils se sont assis là. Et maintenant, pendant qu'on faisait le show, ils appelaient sur le téléphone. Oui. Ils appellent. Pendant que les autres dansent, lui ne dansait pas. Il vous laissait vous faire le show. Il est venu nous trouver, on était déjà dans l'ambiance. Dans l'ambiance, ça vous emportait. Voilà. Et moi, je suis resté toujours très calme là pour regarder parce que j'ai procédé. Pour ne pas dire les choses après que je n'ai pas vu. Donc, quand vous étiez un peu frustré, parce que je ne dansais pas. Généralement, je ne danse pas. Personne n'est venu t'encourager que mon frère danse, la nuit de la traversée. On l'a fait, je suis resté sur ma position, assis là. J'étais dépassé véritablement. Ils ont fait, après on dit, ils ont le programme.